Big up DJ Dave. Pour White Coke. Moi dis ou pour White Coke. Soldat, t'as le représent. My miss number one. Pour White Coke, moi dis ou pour White Coke, moi dis ou pour White Coke. Galant. Yes, I.